Et ça, c'est le moment du tuto sonique de Jérémy Chevalier. Bonjour et bienvenue dans Tuto Sonic, les tutoriels de musique. Et aujourd'hui, pour cette avant-dernière émission, nous allons parler du glitch, du phénomène de sorte d'aberration qui est utilisé dans le son et dans l'image, mais on va surtout se concentrer sur le son. Alors le mot glitch, il apparaît dans les années 1940, et c'est un terme yiddish qui désigne à la base les interférences qui altèrent la qualité du son radio. Et c'est à partir vraiment de 1960 que dans le Time Magazine, ils utilisent réellement ce mot pour parler d'un terme technique employé par les astronautes. Et c'est vraiment tous les bruits irritants qui captent en communiquant avec la Terre. Et qui sont des bruits qui sont vraiment irritants et pas très agréables à écouter. Et c'est que plus tard, en fait, qu'on va avoir une sorte de l'appellation glitch, ou en tout cas sous forme de glitch, va être utilisée plus dans l'art. Alors l'art, c'est vraiment dans l'art, c'est vraiment une sorte de l'esthétique glitch, c'est une esthétisation, en fait. L'esthétisation des différentes erreurs qui mettent en plus, etc. Pour retransformer ça en art. Par exemple, d'autres artistes, typiquement dans le son, bah, je pense à Ryuji Ikeda, par exemple, qui est quand même une figure relativement importante de son équipement qu'il utilise plutôt pas mal, une sorte d'artefact, c'est un truc que je dis. Pour moi, c'est pas une jolie personne, mais c'est un artiste qui n'a pas de C'était Tuto Sonic. À demain pour un nouveau tuto.